soirée nuit qui passe, comme on grille une cigarette, à n'attendre que la fumée qui s'aspire et se rejette. Je déambule au hasard, tout autour il y a la ville qui dresse vers le ciel ses membres figés en acier. Je les évite et marche vers la mer. On y voit des reflets d'or quand sa surface est lisse. Moi, je ressemble à ces vieux murs en pierre, peu à peu dévorés par les pilastres métalliques des nouvelles mégapoles qui se bâtissent en château de cartes de crédit. Je me pose à l'endroit qui rejoint la mer comme une frontière. Je l'aperçois à l'ombre d'un rocher. Peut-être une sirène échouée. Serais-tu le remède à mon ennui? Elle me sourit, baignant dans une eau noircie au mazout. Ça pue ici, j'ajoute. Son sourire se fige et sa silhouette s'enfonce, inanimée, noyée dans tout ce que la ville dégueule. Une dernière fois mes espoirs gâchés. La nuit est déjà passée. Bientôt un soleil de plomb éclairera le ciel qui pourrira en un rouge brasier. Tout va se mettre en branle et ma dernière clope vient de se consumer.